Robineau errait maintenant avec mélancolie dans les bureaux. Il lui vint l'image d'un Rivière enfermé, là dans son bureau, et qui lui avait dit « Mon vieux ». Jamais homme n'avait à ce point manqué d'appui. Robineau éprouva pour lui une grande pitié. Il frappa doucement. On ne répondit pas. Il n'osa frapper plus fort dans ce silence et poussa la porte. Rivière était là. Il se taisait et, la tête penchée, regardait ses mains. Et Robineau, devant lui, n'osait plus parler. Le lion, même abattu, l'intimidait. « Monsieur le directeur ?» Rivière leva la tête et le regarda. Rivière sortait d'un songe si profond, si lointain, que peut-être il n'avait pas remarqué encore la présence de Robineau. Et nul ne suit jamais quel songe il fit, ni ce qu'il éprouva, ni quel deuil s'était fait dans son cœur. Rivière regarda Robineau longtemps, comme le témoin vivant de quelque chose. Robineau fut gêné. Enfin, avec une gêne infinie, sans savoir pourquoi, il prononça « Je suis venu prendre vos ordres. » Rivière tira sa montre et simplement « Il est 2 heures. Le courrier d'Asuncion atterrira à 2h10. Faites décoller le courrier d'Europe à 2h15. » Et Robineau proposa l'étonnante nouvelle. On ne suspendait pas les vols de nuit.